Elle fut donc plus heureuse que moi. Mais la minute où nous nous désenlaçâmes, et ses yeux admirables, valaient bien mon malaise. Son visage s'était transfiguré. Je m'étonnais même de ne pouvoir toucher l'auréole qui entourait vraiment sa figure, comme dans les tableaux religieux. Soulagé de mes craintes, il m'en venait d'autres. C'est que, comprenant enfin la puissance des gestes que ma timidité n'avait osé jusqu'alors, je tremblais que Marthe appartenait à son mari plus qu'elle ne voulait le prétendre. Comme il m'est impossible de comprendre ce que je goûte la première fois, je devais connaître ses jouissances de l'amour chaque jour davantage. En attendant, le faux plaisir m'apportait une vraie douleur d'homme, la jalousie. J'en voulais à Marthe, parce que je comprenais, à son visage reconnaissant, tout ce que valent les liens de la chair. Je maudissais l'homme qui avait avant moi éveillé son corps. Je considérais ma sottise d'avoir vu en Marthe une vierge. À toute autre époque, souhaiter la mort de son mari, c'eût été chimère enfantine. Mais ce vœu devenait presque aussi criminel que si j'eusse tué. Je devais à la guerre mon bonheur naissant. J'en attendais l'apothéose. J'espérais qu'elle servirait ma haine comme un anonyme, comme le crime à notre place. Maintenant, nous pleurons ensemble. C'est la faute du bonheur. Marthe me reproche de n'avoir pas empêché son mariage. Je ne hais pas Jacques. Je hais la certitude de tout devoir à cet homme que nous trompons. Mais j'aime trop Marthe pour trouver notre bonheur criminel. Nous pleurons ensemble, de n'être que des enfants, disposant de peu. Déjà, nous envisageons la fin de la guerre, qui sera celle de notre amour. Nous le savons. Marthe a beau me jurer qu'elle quittera tout, qu'elle me suivra. Je ne suis pas d'une nature portée à la révolte. Et, me mettant à la place de Marthe, je n'imagine pas cette folle rupture. Marthe m'explique pourquoi. Elle se trouvait trop vieille. Dans 15 ans, la vie ne fera encore que commencer pour moi. Des femmes m'aimeront, qui auront l'âge qu'elle a. Je ne pourrai que souffrir, ajoute-t-elle. Si tu me quittes, j'en mourrai. Si tu restes, ce sera par faiblesse, et je souffrirai de te voir sacrifier ton bonheur. Malgré mon indignation, je m'en voulais de ne point paraître assez convaincu du contraire. Hélas, j'étais trop sensible à la jeunesse pour ne pas envisager que je me détacherais de Marthe le jour où sa jeunesse se fanerait et que s'épanouirait la mienne.